Pardon madame, je cherche le rayon papeterie s'il vous plaît. C'est au fond du magasin, après les parapluies. Où est-ce que je peux trouver un rasoir électrique? Au rayon électroménager monsieur, c'est au deuxième étage, à gauche en sortant de l'escalator. Je ne vois pas les rasoirs. Ils sont derrière vous monsieur, en bas du rayon. Merci.